Numéro 5. Expression de base. 基本表現. Dommage. 残念です. C'est vraiment dommage. 本当に残念です. C'est bon, il n'y a pas de problème. 大丈夫です. Je ne comprends pas. 分かりません. Je n'ai pas compris. 分かりませんでした. Que signifie ce mot? その言葉はどういう意味ですか? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? もう一回言ってください. Parlez plus lentement, s'il vous plaît. もう少しゆっくり話してください.